Maurice qui a un message très important à nous communiquer, c'est ça Maurice? Ouais. Allô, allô, allô, ouais, ça marche, essai, test, micro, 1, 2, test, patate chaude, patate froide, patate tiède, on essaye, on fait pas, patate purée, purée, on s'en sort pas, patate. Ironique, onirique et pourquoi pas comique, politique, mais aussi sémantique, la patatose. La patate, patatose. La patatose. La patatose. Un petit bonjour à nos amis belges, la patatose. Wesh, wesh. La patatose. Just for once. Tonight. You say it's better if we don't try. Oui, la patatose. Elle écrivait et maintenant elle vous parle à la radio primitive. Mais qui sommes-nous? Des frites? De la purée? Des rostis? Non, pas du tout. Nous sommes ceux qui ont perdu le nord. Les déjantés. Les barrés à l'ouest. Des hommes et des femmes et des aliens. Ou des soignants et des soignés. Ou alors des patients, pas patients, voire impatients. Du centre Antonin Artaud à Reims. Cette émission est la patatose, la quatrième du nom. Oui, c'est presque une reine. La maire de Reims lui a rendu visite. Ah, cette patatose! Elle est toujours aussi pipelette. Elle bavarde, elle papote. Avec les gens du sud, les Toulousains. Prions pour un micro-sillon qu'ils ne finissent pas, vieux garçon. Malencontreusement. Nous, on s'en fout. On va s'évader du bocal. Et on prépare la semaine de la santé qui ne sera pas mentale, mais pas mal. On parle de tout jusqu'au bout. On se chipouille, se ratatouille et se réunit pour produire cette patatose qui vous réchauffe et vous nourrit. Je suis un peu brutale, je le sais. Se soigne avec le Brutalos, qui en plus lui donne bonne haleine. Stop aux conversations sur portable dans le bus. C'est insupportable, toutes ces conversations qui se croisent dans un lieu public alors qu'elles sont privées. Ça nous empêche de penser tranquillement. Je trouve cela très agressif et sans gêne. Vous n'avez plus d'unité. Et voilà une tranche de vie de Miss Didou. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le chagrin du soleil de ces nuits. Je l'aime à guérir. Vous pouvez décrire tout ce qu'il vous dira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour nous rétablir, laquelle à mon lit. Elle a dû faire toutes les querelles pour nous soutenir. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les querelles de la vie, l'amour ainsi. Elle a fait de ma vie des cocottes éveillées, des éclats de rire, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas sourire, ne veut pas sourire, laquelle a mon lit. Elle a dû faire toutes les querelles pour nous soutenir. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, l'amour ainsi. Elle a donné sa vie à rétablir des bébés, et son cœur chavire et ses petits-enfants sont nés. La mielle à Angel, la mielle à Angel, laquelle a mouli. No fun to hang around or freak out.

Une âme seule permet de réfléchir autrement. Son propre caractère se reflète alors chez l'autre comme chez soi-même. On a beau confier ou se confier, notre histoire est seule. Le naturel est toujours de retour. Cependant, la culture ne va pas sans nature. N'oublions pas qu'en se penchant un peu plus sur un songe, c'est-à-dire que le soi occupe tout son espace, les transports qualificatifs peuvent nous aider ainsi à aider et apprendre, partager mais aussi respecter l'être. C'est d'abord accepter ces différentes mosaïques. Kardesh. Nous atteignîmes un bras de mer. Là, nous vîmes, debout sur un rocher blanc, un homme tenant une boîte en diamanté de laquelle il prenait du sucre et le jetait dans la mer. Mon âme dit « Et celui-ci est l'optimiste, et lui non plus ne doit pas voir nos corps nus. » Nous poursuivîmes notre marche. Jean Ferrat chante nul de guérir sur l'enfance. Si on se bat enfant contre les autres enfants, dans l'esprit, adulte on restera seul et pas heureux. Comment souffrir à un amour? On peut souffrir à une technique, moi c'est la vue. L'amour est l'élan du cœur. L'amour est frémir et trému, dit Xit Rodin. On doit être copain, puis ami, puis amant. Il n'y a pas que des coups de foudre. Si l'amour était un coup de foudre pour toutes et tous, il n'y aurait pas que la politique des pouvoirs. Gustavio écrivait qu'il y avait un inconscient collectif et Sigmund Freud, un inconscient individuel. Alors oublions l'inconscient et soyons sûrs de nos certitudes. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et puis Artaud est une équipe qui doit enchevêtrer une conscience collective, avoir des finalités. Discuter sans but et sans synthèse et conclusion n'est pas avancé. Préfère-t-on Renoir ou Dali ? Sur une plage, nous vîmes un homme ramasser des poissons morts et les remettre à l'eau avec tendresse. Nous ne pouvons nous baigner devant lui. C'est le philanthrope plein d'humanité. Et nous passâmes notre chemin. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir dit oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. C'est déjà pas très rigolo d'être schizophrène ou parano. On se dit rarement depuis tout petit. Moi, quand je serai grand, je serai suivi. C'est déjà assez compliqué de trouver quelque part où loger sans qu'un agent persécuteur puisse se présenter à toute heure et vous dire toc, toc, toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Parce qu'un évadé de l'HP s'est retrouvé médiatisé. Faudrait murer tous les patients sous peine de péril imminent. Les fauteurs de troubles publics iront en prison psychiatrique. Et si ça coûte cher au trésor, y a qu'à les enfermer dehors et leur dire toc, toc, toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Un gestionnaire quand ça vous trace, ça prend le soignant pour une menace. Tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement. Un gestionnaire quand ça bricole, ça vous fabrique des protocoles, où le parano passe en audience, grâce à de la visioconférence. Waouh! Toc toc toc, voilà les médocs, ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection, on vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Quand vient la nuit sécuritaire, on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont démérité. Résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus, l'insupportable ritournelle du fou dangereux criminel. Toc toc toc, voilà les médocs, ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection, on vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Nous atteignîmes alors un endroit où un homme traçait son ombre sur le sable. De grandes vagues venaient l'effacer, mais il la retraçait toujours de nouveau. Mon âme dit « C'est le mystique, quittons-le !» et nous poursuivîmes notre chemin. En novembre, nous avons invité la maire de Reims, Adéna Zan, à venir dialoguer avec nous. Pour vous, en tant que femme politique, qu'est-ce qu'être utile à la société et est-ce qu'on se bat aujourd'hui d'être inutile? Bah, pour moi, ça ne l'est pas en tout cas. J'espère que ça ne l'est pas pour beaucoup de gens. Et surtout que quand on peut avoir soi-même un projet, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie politique, soit dans sa vie personnelle, c'est-à-dire associative, militante, il y a mille façons d'être utile à la société. Il faut trouver ce qui correspond à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on sait faire, et puis arriver à s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Mais il y a mille façons de s'impliquer dans la société, pas forcément dans la politique ou le syndicalisme, mais ça peut être dans une relation personnelle avec quelqu'un. Donc il y a vraiment plein de façons de se rendre utile. Donc quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas travailler, Quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas travailler, il peut être dans un réseau associatif, par exemple. Il peut aider d'autres personnes dans d'autres secteurs de la vie. Il peut s'engager, alors ça dépend de la maladie, ça dépend du degré de la maladie, mais enfin il peut s'engager dans une association, dans du bénévolat, dans un syndicat. Donc même quelqu'un qui ne peut pas travailler, il peut tout à fait se rendre utile, absolument. Peut-être pourriez-vous nous renseigner sur la position du Parti Socialiste sur ces questions de loi sécuritaire concernant les soins sans consentement. Et j'ai une deuxième question. Donc, les élections ayant lieu le 22 avril 2012, comment peut-on faire, nous les patients, pour être reçus par François Hollande, qui est porteur du projet socialiste, parce qu'on voudrait savoir quelles sont ses idées sur la psychiatrie et la loi sécuritaire votée en juillet 2011 ? Les passants voudraient s'organiser suite à la prise de position des hommes politiques. Bon, d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être là. Ça fait longtemps qu'on avait ce projet, qu'on en a parlé avec le docteur Chemla, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, sur ces questions, donc, la loi du mois de juillet 2011, le Parti Socialiste est contre. On a pris position contre, on a manifesté contre avec les soignants. Moi-même, j'ai signé beaucoup de pétitions et d'appels, notamment d'ailleurs à certains à l'initiative du docteur Chemla contre, pour un motif essentiel, c'est que cette loi a créé une confusion importante entre les juges et les soignants. C'est le motif principal. Donc on est contre, la position du PS est contre. Sur la demande de rencontrer François Hollande sur son projet en matière de psychiatrie, le mieux c'est de lui écrire. Après, est-ce que c'est lui qui vous recevra ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de ces sujets chez lui? Ça, je peux pas. Bon, c'est possible que ce soit pas lui en personne qui vous recevra. Donc, je m'appelle Sébastien, je vais vous poser une question. Nous avons créé une émission de radio, La Patatose. Nous émettons grâce à la radio primitive qui est la plus ancienne radio libre de Reims. Elle fête d'ailleurs ses 30 ans ce mois-ci. Que pensez-vous de ce type de radio associative qui permet l'expression de voix trop peu médiatisées? C'est absolument essentiel et que heureusement qu'il y a eu d'ailleurs 1981 pour l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a 30 ans, tout à fait. Pour faire en sorte que ces radios soient légales, puisque ce n'était pas le cas avant. Hein. Donc moi je me souviens, parce que je suis vieille, donc je me souviens très bien des premières mesures de 80, de l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec notamment la libéralisation des radios associatives. Je connais bien cette radio-là. J'ai d'ailleurs plusieurs adjoints qui sont fondateurs de cette radio à Reims et dans mon cabinet également. Donc c'est vraiment une radio dont j'ai énormément entendu parler et que moi-même j'ai fréquenté, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et justement, vous avez tout à fait raison, ce sont des radios qui permettent plus que des radios institutionnel, d'entendre, de faire entendre la voix de ceux qui n'arrivent pas forcément à faire entendre leur voix autrement. Donc elles ont, alors pour le coup, elles ont aussi ce rôle social-là et cette utilité-là dans la société. Donc nous, on est très contents d'avoir un espace comme ça où on peut raconter nos affaires, drôles ou pas drôles, mais en tous les cas, on les raconte. Et ça, c'est bien. Et donc, on a eu France 5, donc pour le monde, on s'en fout. Mm-hmm. Il y a eu France Inter pour le fol été. Mais effectivement, j'avais entendu, j'étais tombée par hasard cet été, mais je ne savais pas que ça avait été. C'est Mireille qui me l'a dit qu'en venant tous les dimanches. Donc, je me souviens bien de cette émission, mais je ne savais pas que ça avait été tous les dimanches pendant tout l'été. Donc, tous les dimanches, du 2 juillet au 28 août. Ouais. Ça s'est fini avec vous, Frédéric et Gérard. Ouais, en direct là-bas, là-bas à France Inter. Ah, ouais, c'était très bien. Ouais. Et ça avait été enregistré au cours de la fête d'été, et puis sur plusieurs jours ici dans le centre. D'accord. Arrivé à une baie tranquille, nous vîmes un homme ramasser l'écume à la pelle et la mettre dans une coupe d'albâtre. C'est l'idéaliste, dit mon âme. Il ne mérite certes pas de voir notre nudité. Et de nouveau nous marchâmes. Toute la ville la connaît depuis le temps qu'elle parcourt. Dans tous les sens, par tous les temps, et la campagne environnante. Et le moindre pavé de rue, petit pas sec, c'est martelé. De sa démarche saccadée, sans souci du temps ni de l'heure. Rouge, sanguin, ce soir, elle était toute noire. Je ne saurais jamais pourquoi. D'un feu dans sa fuite, ou peut-être dans sa poursuite d'une image égarée, peut-être de l'autre côté d'un miroir, de l'autre côté d'un miroir. Nul ne peut dire du piquant, dure cette ronde incessante. Chacun se demande comment, jour après jour, elle fonctionne. La folle, la folle, la folle, la Soudain, nous entendîmes une voix crier « C'est la mer ! C'est la profonde mer ! C'est l'immense et puissante mer !» Arrivés à l'endroit d'où surgissait la voix, nous vîmes un homme tournant le dos à la mer et tenant une coquille à l'oreille pour écouter le murmure de la mer. Mon âme dit « Passons notre chemin, c'est le réaliste. Il tourne le dos au tout qu'il ne peut saisir et se préoccupe des détails. » Et nous passâmes donc. Mais où est passée la patate ? Christelle fouille son ordinateur depuis une demi-heure, mais ne trouve rien. Tandis que Céline écrit avec implication que Sacha encourage Christelle et que l'autre Christelle scrute l'écran, Maître Jacques nous écrit l'un de ses articles dont il a le secret. Et n'oublions pas Sébastien qui, en haut de table, fait courir son stylo sur une feuille verte. Et moi, j'observe, je fais mon rapport et j'inspecte. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Sauvez ! Christelle a trouvé. Chic, voilà Fred. Ensemble, nous cherchons parmi les dessins. Il y en a qu'il faut réduire. J'entends le doux bruit du clavier de l'ordi. Christelle tapote et plaisante. On rit, nous sommes tous très gais. Et parmi les rochers, dans un endroit plein de mauvaises herbes, nous vîmes un homme dont la tête était enfoncée dans le sable. Je dis alors à mon âme, « Nous pouvons nous baigner ici, car il ne peut nous voir. » Elle me répondit « Non, c'est le plus fatal de tous, c'est le puritain. » En Toulouse, je vous lance de grands débats, enfin on l'espère, sur le thème des relations hommes-femmes. Alors le premier sujet sont les clichés. Quels sont pour toi les principaux stéréotypes sur les femmes et les hommes? Là, il y en a une toute simple, la femme au foyer, l'homme au travail, qui a au eu bistro, lieu pendant... Ouais, au bistro. L'homme ne fait rien, la femme fait tout. Ouais. Bravo. Les femmes, on peut faire deux choses à la fois. Elle était à écouter son Walkman en train de ruminer son chewing-gum. Ah, ouais, vous avez deux choses à la fois. Je veux bien qu'on me traite de menteur quand je mens, ou quand je vais mentir, ou quand je viens de mentir, mais pas... quand ce que je dis est la vérité. Il y a aussi le micro-ciné, mais où il n'y a pas de femmes, non c'est... Ah ouais, pour nous, c'est devenu un cliché, ça y est. Ouais. Il débarque à neuf, il n'y a pas de meuf, en plus, ça arrive. Ah, il débarque à neuf, il n'y a pas de meuf. Oh, c'est chouette. Ça. Il débarque à neuf, il n'y a pas de meuf. Ça, c'est bien. Bon, c'est tout. C'est vrai. Donc on peut en déduire quoi? Que la nana toulousaine est statique à Toulouse, alors que l'homme toulousain est mobile. Ne fais pas d'illusions, ma petite. Pas la peine de réclamer. Qu'est-ce que pour vous les hommes galants? La galanterie, c'est quoi? C'est anti-féministe, c'est moderne, c'est égalitaire. C'est sympathique, c'est sexiste. Ce sont vraiment des questions d'hommes posées aux femmes. Allô? Allô? C'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil. Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Les hommes ne sont plus galants, ça veut dire que il y a 10 mecs pour monter dans le bus, il n'y en a pas qui vous laissent passer. Alors là, moi, je déplore, parce que j'aimerais quand même bien qu'il fasse une allée, et puis que je monte en premier, comme ça, je pourrais aller m'asseoir. Il y en a pas un qui vous laisse sa place. Ah, ils en ont rien à foutre, tout le monde s'en fout, c'est le premier qui monte là-dedans, les vieux sont tous derrière, les jeunes passent devant, c'est un drame. Et non, mais tous les hommes prennent toute la place. C'est à cause de l'accent, ça, moi, je te dis, c'est l'accent. La première fois, la première rencontre... C'est quand même difficile d'aborder une fille, mais c'est un risque qu'il faut essayer de prendre. Vous avez un message. Enfin, pour moi, la rencontre entre un homme et une femme, c'est un peu comme le fait de devenir parent, quoi. Il n'y a pas d'école. Hein. J'imagine que chaque rencontre est différente, et malheureusement, c'est la vie qui l'a fait, quoi. Enfin, malheureusement ou heureusement. Mais... Car dans toutes les civilisations modernes, c'est-à-dire dans toutes les civilisations nées de la machine... L'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire. Mais ça n'existe pas une femme idéale. 1, 2, 3, 4. Semaine de la santé mentale ou semaine de la folie ordinaire? Oh la patate, dit semaine de la folie ordinaire. Chers auditeurs et auditrices, elle aura lieu du 12 au 24 mars. Ouverture le lundi 12 mars par une soirée débat à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de 18h à 20h30. Avec René Pambon, psychiatre et psychanalyste qui déclinera le thème culture et société avec d'autres intervenants. Vernissage de l'expo Semaine de la folie ordinaire 2012 à la Maison de la vie associative le mardi 13 mars à 18h. Cette exposition se continuera jusqu'au 24 mars. N'y allez pas à 3h du mat, ce sera fermé. Allez-y pendant les heures du matin. C'est ouvert pendant midi et jusqu'à 22h. Et le mercredi, venez écouter le polar chanté écrit par nous du Rififi à Carnegie, à la bibliothèque Carnegie, à 19h. Apothéose. Mais aussi politique. Venez nombreux. Il y aura de la soupe. De la pensée et de la créativité. Des éclairs verts. On participait à cette émission de la folie ordinaire, mais extraordinaire. Arin. Mathieu. La mise au spécial. Salut. Clément. Faustine. Marie. Dominique. Michel. Dominique. Sébastien. Lise Didou. Céline, Valérie, Yannick, Jacques, il y avait Jacques, Mamadan, Yannick, Moïse, Frédéric, Mathieu, Françoise, Clément, Nathalie, Dominique, Sacha, l'autre Dominique, Marie, et Yannick, François, vous l'avez dit, Yannick, Christelle, Sacha, on a le tour, allez, hop, c'est bon, on a tout dit là. On a fait deux fois le tour avec vos histoires.